Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 23. Jésus, Marie et Joseph poursuivent leur voyage et vont de Gaza à Héliopolis, ville d'Égypte. Nos saints voyageurs, 3 jours après leur arrivée à Gaza, en partirent pour l'Égypte, et quittant bientôt les lieux habités de la Palestine, ils entrèrent dans les déserts sablonneux qu'on appelle de Bersabée, et traversèrent plus de 60 lieues de pays inhabités avant que d'arriver à la ville d'Héliopolis, qui est maintenant appelée le Caire d'Égypte. Ils marchèrent longtemps dans cette solitude, parce que leur journée était fort petite, tant à cause de la grande quantité de sable qu'ils trouvaient, que par le défaut de retraite et de vivres. Et comme ils eurent beaucoup d'aventures dans ce pénible voyage, j'en dirai quelques-unes dont on inféra les autres, parce qu'il n'est pas nécessaire de les raconter toutes. Or, afin qu'on comprenne combien l'enfant Jésus, la Sainte Vierge et Joseph y souffrirent, on doit présupposer que le Très-Haut permit que son Fils unique humanisé, son auguste mère et Saint Joseph ressentissent les incommodités de ce désert. Et quoique notre divine dame les endurât avec une grande tranquillité, elle en fut néanmoins très affligée, ainsi que son très fidèle époux de son côté, car ils souffrirent tous deux de très grandes peines en leur personne. Mais le cœur de la mère en fut beaucoup plus pénétré, à cause de celle de son fils et de Joseph, quoique celui du saint le fût aussi à la vue des incommodités que l'enfant et la mère essuyaient, et de l'impuissance où il était de les en préserver par ses soins. Il fallait nécessairement qu'ils passassent les nuits en plein air et sans abri, en traversant ce désert, et cela en hiver, puisqu'ils commencèrent leur voyage au mois de février, 6 jours après la purification, comme on le peut conclure de ce que j'ai dit au chapitre 21 de ce livre. La première nuit qui les surprit dans cette solitude les obligea de s'arrêter au pied d'une colline, qui fut le seul asile qu'ils trouvèrent. La reine du ciel s'assit à terre avec son fils entre les bras, et après qu'ils s'y furent un peu délassés, ils soupèrent de ce qu'ils avaient porté de Gaza. La Sainte Vierge donna de son lait à l'enfant Jésus, et sa majesté consola cette mère affligée et son époux par des manières agréables et caressantes. Le saint dressa une petite tente avec son manteau et quelques bâtons, afin que le Verbe incarné et sa très sainte mère fussent moins exposés à l'air de la nuit, sous cet humble et étroit pavillon. Dans cette circonstance, les 10 000 anges qui assistaient avec admiration nos saints voyageurs, firent un corps de garde à leur roi et à leur reine, en les environnant sous des formes humaines. Notre grande dame vit que son très saint fils offrait au Père éternel cette affliction, ses peines, celles de sa mère et de Saint Joseph. Elle s'associa pendant la plus grande partie de la nuit à ses prières et aux autres actes que faisait cette âme déifiée. Puis, l'enfant Dieu dormit un peu dans ses bras, mais elle veilla toujours, se livrant à de divins entretiens avec le Très-Haut et avec les anges. Saint Joseph se coucha par terre, appuyant sa tête sur le petit coffre qui renfermait les anges et leurs autres pauvres hardes. Le jour suivant, ils continuèrent leur route, et dès lors la provision de pain et de fruits qu'ils avaient pris étant épuisée, la maîtresse de l'univers et son saint époux se trouvèrent dans une extrême nécessité et ressentirent la faim. Et quoique celle du saint fût plus grande, ils en souffrirent néanmoins tous de beaucoup. Il arriva, un des premiers jours de leur voyage, qu'ils restèrent jusqu'à 9 heures du soir sans prendre aucune nourriture, et comme il était impossible de remédier à cette nécessité par aucun soin humain, notre divine dame, s'adressant au Très-Haut, lui dit, « Dieu éternel et tout-puissant, Je vous rends grâce et vous bénis pour les œuvres magnifiques de votre bon plaisir, et de ce que vous m'avez donné l'être et la vie sans que je l'eusse mérité, et aussi de ce que par votre seule bonté vous m'avez conservé et élevé, n'étant qu'une poussière et qu'une créature inutile. Je ne vous ai pas payé, Seigneur, du retour que je vous devais pour tous ces bienfaits, et comment oserais-je maintenant vous demander pour moi ce que je ne saurais reconnaître? Mais regardez, mon divin Père, votre Fils unique, Jean 1, 14, et accordez-moi les moyens de lui entretenir la vie naturelle et de conserver celle de mon époux, afin qu'il l'emploie au service de votre majesté, et que je serve votre Verbe incarné pour le salut des hommes. Le Très-Haut permit que l'inclémence des éléments s'unit à la faim, à la lassitude et à cette espèce d'abandonnement, afin que ces clameurs de la très douce mère vinssent d'une plus grande tribulation, car il s'éleva une furieuse tempête où ils étaient battus et aveuglés par le vent et la pluie. Ce mauvais temps affligea beaucoup la pitoyable et amoureuse mère, à cause de la grande délicatesse de l'enfant Dieu, qui n'avait pas encore 50 jours. Et, quoiqu'elle le garantît de son mieux, cela n'empêcha pas qu'il en ressentît la rigueur, ce qu'il fit connaître par ses larmes et par ses tremblements, comme l'auraient fait d'autres enfants dans une semblable occasion. La soigneuse mère, usant alors de son pouvoir de reine des créatures, commanda avec empire aux éléments de ne point offenser leur créateur, mais d'user envers lui de leur douceur, et de ne garder que pour elle ce qu'ils avaient de plus rude. Il arriva dans cette rencontre la même chose que j'ai dite au chapitre précédent, en parlant de la naissance et du voyage de Bethléem à Jérusalem, car aussitôt les vents s'apaisèrent et la tempête cessa, et l'enfant Jésus, voulant récompenser ce soin amoureux, ordonna à ses anges d'assister sa mère bien-aimée et de la mettre à l'abri. Ils obéirent à l'instant, et, formant un globe lumineux et impénétrable aux injures du temps, ils y enfermèrent leur Dieu humanisé, l'Auguste Vierge et son époux, de sorte qu'ils y furent plus richement et plus commodément logés qu'ils ne l'eussent été dans les plus super palais des puissants de la terre. Ils reçurent le même secours dans quelques autres occasions en traversant ce désert. Mais les vivres leur manquaient, et ils étaient réduits à une disette contre laquelle ne pouvait rien l'industrie humaine. Et, après que le Seigneur les eut laissés arriver à cette extrémité, il exauça les justes demandes de son épouse, et les secourut par le ministère des anges, qui leur offrirent incontinent du pain et des fruits délicieux, et leur apportèrent en outre une liqueur d'un goût exquis. Et, lorsqu'ils les eurent servis, ils récitèrent tous ensemble des cantiques de louange au Seigneur, qui donne la nourriture à toute chair au moment convenable, psaume 135, 25, psaume 44, 15, afin que ceux qui espèrent en sa divine providence et en ses magnifiques largesses soient rassasiés, psaume 21, 27. Ce fut là le régal que le Seigneur fit à ces trois voyageurs exilés dans le désert de Bersabée, qui est l'endroit où Élie, fuyant Jézabel, fut fortifié par le pain cuit sous la cendre que l'ange du Seigneur lui donna, afin qu'il pût aller jusqu'à la montagne Horeb, 3 Rois 19, 3, 6 et 8. Mais ni ce pain ni celui que les corbeaux lui avaient apporté auparavant, ni la chair qu'il en reçut miraculeusement, afin qu'il en mangeât le matin et le soir sur le bord du torrent de Carit, 3 Rois 17, 6, ni la manne que le ciel envoya aux Israélites, quoiqu'elle fût appelée le pain des anges, le pain venu du ciel, ni les cailles que le vent du midi poussa à leur portée, Exode 16, 13 et suivant, ni la nuée qui les mettait à couvert des ardeurs du soleil, Psaume 77, 14, 15 et 26, Nombre 10, 34, rien de tout cela ne peut être comparé avec ce que le Seigneur fit dans ce voyage en faveur de son Fils humanisé, de l'Auguste Marie et de Saint Joseph. Ces nouveaux prodiges ne se faisaient point pour nourrir un prophète et un peuple ingrat, mais pour entretenir un Dieu fait homme et sa véritable mère, et pour conserver une vie naturelle de laquelle dépendait la vie éternelle de tout le genre humain. Et si cette divine nourriture répondait à l'excellence des conviés, la reconnaissance était aussi tout à fait en rapport avec la grandeur d'un tel bienfait, et, afin que le tout vînt dans le temps le plus convenable, le Seigneur permettait toujours que la nécessité fût extrême, et que cette extrémité même exigeât le secours du ciel. Que les pauvres se réjouissent par cet exemple, que les affamés ne se désolent plus dans leur détresse, que ceux qui souffrent persécution espèrent le secours, et que personne ne se plaigne de la divine providence, en quelque affliction et en quelque nécessité qu'il se trouve. Quand est-ce que le Seigneur a manqué à ceux qui ont mis leur confiance en lui? Quand est-ce qu'il en a détourné ses regards paternels? Psaume 17, 21 et suivant. Nous sommes frères de son Fils humanisé, héritiers de ses biens, ses enfants, Romains 8, 17, 29, et les enfants de sa très miséricordieuse mère. Or, enfants de Dieu et de l'Auguste Marie, comment vous méfiez-vous d'un tel père et d'une telle mère dans vos besoins? Pourquoi leur refusez-vous cette gloire? Comment renoncez-vous au droit que vous avez de leur demander du secours? Venez, venez avec humilité et confiance, les yeux de vos parents sont attentifs à vous regarder. Psaume 10, 5. Leurs oreilles écoutent les gémissements que vous poussez dans vos nécessités, et les mains de ces traînes sont ouvertes pour soulager le pauvre. Proverbe 31, 20. Et vous, riches de ce monde, pourquoi mettez-vous votre espérance dans vos seules et incertaines richesses, au risque de perdre la foi, et vous engageant par là dans beaucoup d'afflictions, comme l'apôtre, Saint Paul, vous le prédit. Épître à Timothée 1, 6, 17, 9 et 10. Aveuglés par la cupidité, vous ne faites pas profession d'être les enfants de Dieu et de sa mère. Au contraire, vous renoncez à cette qualité par vos œuvres, et vous vous déclarez étranger car le Fils légitime sait seul s'abandonner aux soins et à l'amour de son véritable Père et de sa véritable Mère, qui se plaindrait avec raison s'il mettait son espérance en d'autres qui ne leur seraient pas seulement indifférents, mais qui seraient même leurs propres ennemis. La divine lumière m'enseigne cette vérité, et la charité m'oblige de l'écrire. Le Très-Haut ne prenait pas seulement soin de nourrir nos pèlerins, mais il les récréait aussi d'une manière sensible pour les distraire de la fatigue du chemin et de l'ennui de cette vaste solitude. Il arrivait quelquefois que la divine mère s'arrêtant avec son enfant Dieu pour prendre un peu de relâche, des multitudes d'oiseaux accouraient des montagnes, comme je l'ai raconté ailleurs, et il la réjouissait par la douceur de leur chant et par la variété de leur plumage, se mettant sur ses épaules et sur ses mains, et s'ébattant autour d'elle. La très prudente reine les recevait, et leur ordonnait de louer leur Créateur en reconnaissance de ce qu'il les avait créés si beaux et si bien ornés de plumes pour jouir de l'air et de la terre, qui leur fournissait chaque jour la nourriture nécessaire. Les oiseaux obéissaient à leur maîtresse, mais l'amoureuse mère récréait l'enfant Jésus par d'autres cantiques plus doux, le bénissant et le reconnaissant pour son Dieu, pour son Fils et pour l'auteur de toutes ses merveilles. Les saints anges s'unissaient tour à tour à notre grande reine et aux petits oiseaux, faisant tous ensemble un cœur d'une harmonie plus spirituelle que sensible et d'une douceur admirable. Quelquefois l'auguste princesse disait à l'enfant, « Mon amour, lumière de mon âme, comment vous soulagerai-je de vos peines? Comment empêcherai-je que vous ne soyez fatigué? Que pourrais-je faire pour vous adoucir un chemin si rude? Oh, si je pouvais vous porter dans mon cœur et vous y faire une couche où vous fussiez à l'abri. » À quoi le très doux Jésus répondait, « Ma chère mère, je suis fort à mon aise entre vos bras, reposant sur votre sein, je trouve mes délices en vos soigneuses affections et en vos douces paroles. » D'autres fois le fils et la mère s'entretenaient intérieurement, et ces entretiens étaient si sublimes et si divins, qu'il n'est pas possible de les traduire. Le saint époux Joseph participait à plusieurs de ces mystères et à ces consolations, qui lui faisaient oublier la fatigue de la route et ressentir le fruit d'une si douce compagnie. Quoiqu'il ne s'aperçût point que l'enfant parla à la mère d'une manière sensible, car cette faveur lui était alors réservée, comme je l'ai déjà dit. Nos saints persécutés poursuivirent ainsi leur voyage d'Égypte. Instruction que je reçus de la très sainte Vierge. Ma fille, comme ceux qui connaissent le Seigneur mettent leur confiance en lui, psaume 9, 10, de même ceux qui n'espèrent pas en sa bonté et en son amour immense, n'ont point une parfaite connaissance de sa divine majesté. Et si l'on manque de foi et d'espérance, on manque aussi d'amour, parce que le cœur s'attache à l'objet dans lequel il a placé sa confiance et qu'il estime le plus. Matthieu 6, 21. Tout le mal des mortels vient de cette erreur, parce qu'ils ont un si bas sentiment de la bonté infinie de Dieu, qui leur a donné l'être et qui le leur conserve, qu'ils n'oseraient établir toute leur confiance en lui, manquant à cette même confiance, ils manquent à l'amour qu'ils lui doivent, et le prostituent aux créatures. Il se confie en elle et estime ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le pouvoir, les richesses et la vanité, psaume 51, 7, Ecclésiaste 5, 9. Et quoique les fidèles puissent détourner ce mal par la foi et par l'espérance infuse, ils ne profitent point de leurs ressources et condamnent trop souvent ces vertus à l'inaction. Et c'est pour cela qu'ils se ravalent jusqu'aux choses basses. Ceux qui possèdent les richesses espèrent en elles, et ceux qui ne les ont pas les souhaitent. Proverbe 28, 8. Les uns tâchent de les acquérir par les moyens les plus injustes, les autres se confient en la puissance des grands, ils les flattent et les applaudissent. Psaume 145, 3. De sorte que le Seigneur en trouve très peu qui méritent les favorables effets de sa providence, qui espèrent en elle, et qui le reconnaissent pour le bon Père, qui prend soin de ses enfants, qui les nourrit, et les conserve sans en laisser aucun dans la nécessité. C'est cet aveuglement qui donne au monde un si grand nombre de partisans, qui l'a infecté d'avarice et de concupiscence, contrairement à la volonté du Créateur, et qui a trompé les hommes sur cela même qu'ils désiraient ou qu'ils devaient désirer. Car tous avouent communément qu'ils ne désirent les richesses et les biens temporels que pour satisfaire à leurs besoins, et ils ne le disent que parce qu'ils ne devraient pas demander autre chose. Mais en fait, la plupart mentent, car ils souhaitent le superflu, et non point le nécessaire, afin de le faire servir aux pompes du monde plutôt qu'aux besoins de la nature. Que si les hommes ne désiraient que ce qui leur est véritablement nécessaire, il y aurait folie de leur part à mettre leur confiance en de faibles créatures, et non pas en Dieu, qui est en son ineffable providence jusque sur les petits des corbeaux. Psaume 146, 9. comme si leurs croassements étaient autant de voix qui invocassent le secours de leur Créateur. Avec cette conviction, je ne pouvais rien craindre dans mon long pèlerinage, et comme je n'espérais que dans le Seigneur, sa divine providence venait au secours de ma détresse. Pour vous, ma fille, qui connaissez cette grande providence, ne vous affligez point avec excès dans vos nécessités, employez seulement, sans manquer à vos obligations, les moyens possibles pour y remédier, et ne comptez ni sur les industries humaines ni sur les créatures, et après que vous aurez fait ce qui dépend de vous, croyez que le seul moyen efficace est d'attendre avec patience et sans trouble le secours du Seigneur. Car quoi qu'il vous le retarde quelquefois, il vous l'enverra toujours au moment le plus propice, psaume 144, 16, et de façon à manifester davantage son amour paternel, comme il nous arriva dans nos extrêmes besoins. Ceux qui ne souffrent pas avec patience, et qui ne veulent point endurer la nécessité, ceux qui voient des citernes entr'ouvertes, Jérémie 2, 13, se confiant dans le mensonge et en la puissance des grands, ceux qui ne se contentent pas du nécessaire, et qui souhaitent ardemment ce dont ils n'ont pas besoin pour l'entretien de la vie, ceux qui gardent avec un attachement sordide ce qu'ils ont, et qui, dans la prévision d'une nécessité future, refusent aux pauvres l'aumône qui leur est due, tout cela, dis-je, ont sujet de craindre qu'il ne leur manque ce qu'ils ne devraient point attendre de la providence divine, si elle était aussi avare à donner, qu'ils le sont à espérer et à secourir les nécessiteux pour son amour. Mais le Père suprême qui est aux cieux fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et envoie la pluie aux justes et aux injustes, Matthieu 5, 45, les assistant tous en leur donnant la vie et la nourriture, et comme les bienfaits du Seigneur sont communs aux bons et aux méchants, et qu'il donne aux uns de très grands biens qu'il refuse aux autres, on ne doit pas juger par là de son amour, car il veut le plus souvent que les prédestinés soient pauvres, Jacob 2, 5 Bible World Messianic, afin qu'ils augmentent leur mérite et leur récompense, ou afin qu'ils ne se laissent pas séduire par l'amour des biens temporels. Et en effet, il y a fort peu de gens qui en sachent faire un bon usage et les posséder sans une cupidité désordonnée. Et quoique nous ne fussions point, montrait-ce un fils et moi, exposé à ce danger, Sa Majesté néanmoins voulut par cet exemple enseigner aux hommes cette divine science, par laquelle ils peuvent acquérir la vie éternelle. Extrait du livre 4e, tome 3, Pusielge Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.